Bonux Automatique, son premier cadeau, c'est la blancheur. Oui, il a réussi. En effet, ce linge est plus souple, plus doux, plus blanc. Les dieux font leur lessive avec Olympe qui laisse le linge blanc et les mains douces, douces, douces. Oh oh oh, bonjour à tous et bienvenue à 80s le podcast. Je suis Mikado Twix, votre hôte pour ce numéro. Et pour ce cadeau bonus spécial Noël, j'ai le plaisir de recevoir non pas un, mais deux invités. Et donc mes invités du jour sont Winston. Comment vas-tu Winston ? Eh ben très bien Mikado, ravi d'être ici. De même. Et mon second invité est Patrick de la chaîne YouTube Toykitch, comment vas-tu Toykitch ? Salut Mikado, bah ça va, tranquille, merci de l'invitation. Plaisir partagé. Alors, pourquoi, messieurs, je vous ai fait venir en émission ? Parce que, tout simplement parce que je vous sais, client de jouets et encore plus client du thème du jour, à savoir les robots transformables. Donc, je vais vous poser quand même quelques petites questions, parce que, bien évidemment, au fil de l'émission, on va un peu détailler, tout simplement, qu'est-ce qu'un robot, nos jouets transformables préférés, on va parler des différentes gammes de jouets, hein. Tout de suite, je vous sors des mots-clés, Transformers, GoBots, Robotech, Sentai et tout, enfin voilà. Et un truc qu'on avait à cœur de partager avec mes deux comparses du jour, c'est l'héritage. Pourquoi ? Parce que, est-ce que les robots transformables qu'on avait enfants sont de la même qualité pour les débiles, pardon, donc les enfants d'aujourd'hui ? Oh, spoiler. Spoiler alerte. Voilà, donc on vous décrira tout. Qu'est-ce qu'on pense un petit peu des gammes de jouets de robots transformables d'aujourd'hui ? Alors, je vais m'adresser d'abord à toi, mon ami Winston. Est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour. Est-ce que tu as une actualité à vendre, à nous proposer ? Dis-nous tout. Une activité à vendre ? Oui, moi c'est Winston, je suis le co-créateur de Backlog le podcast. Et donc, là on vient de sortir un hors-série sur le rail shooter. On traite de jeux vidéo pas très récents, mais pas trop vieux. Tu vois, on est entre l'actualité à chaud et la case rétro. Oui, donc, c'est tout à fait ce que j'allais souligner, parce que évidemment, voilà. Vous le savez, je suis un ancien de la case rétro. Et j'aime bien ton émission parce que c'est du rétro, mais presque. Enfin, c'est pas rétro, mais presque. Ouais, voilà. Rétro. C'est les jeux auxquels on joue, vu qu'on n'a pas beaucoup de thunes, on achète des jeux, on se fait des listes, et puis la PS4, on l'a toujours pas. Enfin, si, mon collègue depuis la semaine dernière, mais voilà, c'est tout, quoi. Il y a eu Noël entre-temps, quoi. Ouais, il y a eu le Black Friday, ouais. La guillotine de ton compte en banque. C'est ça. Donc ton actualité, c'est les jeux qui ont 5-6 ans, quoi, en moyenne, quoi. Voilà, ouais, à peu près. Ou un peu plus récent, mais voilà. En plus, pour avoir été un auditeur de ton émission, ce que je te disais en préparant le podcast, ce qui est extrêmement plaisant, c'est que ça s'entend que t'es en studio avec ton comparse. Ouais. Et que y a une connivence parce que tu as l'air de très très bien le connaître. Pratiquement 15 ans de relations communes avec Fond, donc oui. Donc voilà, que nous saluons. Je sais pas s'il nous écoute, mais de toute manière il va nous écouter. Il nous écoutera avec ses gars Fondy. C'est ça. Et donc Toykitch, je ne sais absolument plus comment je t'ai découvert, mais je suis un fervent admirateur de ta chaîne YouTube. Ouais, étant Quadra, je suis pas du tout client, mais j'aime bien les gens passionnés qui nous parlent un petit peu de passion qui normalement ne sont plus de notre âge. Alors est-ce que tu peux un peu nous parler d'un de ta chaîne YouTube et de deux ta passion qui fait que aujourd'hui tu es en podcast avec nous. Ouais, ma chaîne YouTube, ça fait à peu près un peu plus de deux ans que j'ai commencé. En fait, je voulais faire surtout découvrir aux quelques auditeurs ou visualisateurs de la chaîne des jouets méconnus, pas forcément des trucs qui n'ont pas marché, des bootlegs, des trucs qui sont jamais arrivés par chez nous. Seulement, il y avait déjà des émissions qui parlaient des choses que tout le monde connaît, des bêtes de l'univers et autres. Donc je me suis dit je vais essayer de faire un truc un peu différent, quoi, voir si ça intéresse les gens, d'ouvrir un petit peu leur esprit sur de nouveaux horizons. D'accord. Et t'as une petite escouade à nous donner, une petite thème d'émission si c'est pas déjà publié le jeu. Je suis en train de travailler sur un vrai nouveau Toykitch. Dis-nous tout. Voilà, donc qui sera sur une gamme qui a failli concurrencer les G.I. Joe. Oh sérieux, voilà. Qui n'est jamais arrivé chez nous, malheureusement. Un truc vraiment très réussi avec vous verrez, mais il y a, sans spoiler, mais il y a des choses connues, mais sans qu'on les connaisse. Ah, bah nous serons clairs. Ah, donc, cool. Bien évidemment, chers auditeurs, nous mettrons tous les liens de nos invités du jour sur l'article du site. Donc, bah, n'hésitez pas à vous rendre sur 80slepodcast.fr pour en savoir un petit peu plus. Alors, messieurs, donc le sujet du jour, vous savez, à Noël, on aime bien parler de jouets. L'année dernière, rappelez-vous, on avait parlé des jouets de la gamme Mask avec bah, notre copain que Toy Kitsch connaît, Archeo Toy, que nous saluons. Ouais, hein. Ouais. Avant toute chose, un petit disclaimer, j'ai envie de dire, parce qu'à la base, le thème de l'émission devait être les jouets transformables. Alors, les jouets transformables, grosso modo, qu'est-ce que ça englobe? Bah, évidemment, on pense tout de suite aux robots type apparence humaine, donc un véhicule qui se transforme en, on va dire, en humain, en apparence humaine, comme ça peut être, par exemple, les jouets masques. Objectivement, c'est des jouets transformables. Mmh. Sauf que, on s'est dit, si on part sur cette thématique, on va faire 2h30, ce qui n'est pas de l'intérêt de tous. Du coup, nous allons nous concentrer sur les jouets à apparence véhicule ou autre, mais qui se transforme en devenant apparence humaine. Donc, malheureusement, nous ne parlerons pas des jouets masques. De toute manière, nous avons déjà fait une émission. Nous ne parlerons pas, sniff, sniff, des jouets de la gamme du Ulysse 31 qui sont très chers à mon cœur. Et très chers, d'ailleurs. Et nous très cher. Très cher, tout court. Et nous ne parlerons pas de la fameuse voiture de James Bond sous-marin qui se transformait, que j'ai toujours, de la gamme Corgi. Voilà. Alors, évidemment, pour commencer ce sujet, j'ai envie de vous dire, messieurs, qu'est-ce qu'un robot? Là, vous me dites, mais qu'est-ce qu'est un robot, Mikado? Mais qu'est-ce qu'un robot, Mikado? Avant toute chose, donc, il faut savoir que le mot robot est un mot tchèque qui signifie travail ou encore labeur. Donc, quelque chose de difficile et de pénible. C'est pourquoi, par la suite, le terme a été, entre guillemets, vulgarisé par la littérature, et on pense notamment au roman Rur, R-U-R. Par exemple, les robots possédant une apparence humaine et sont donc corvéables. Alors, il fut initialement utilisé par l'écrivain tchécoslovaque Karel Čapek dans sa pièce de théâtre, donc nommée Rur, pour Rossum Universal Robot en 1920. Alors que les robots de Čapek étaient des humains organiques artificiels, le mot robot tel qu'on le connaît aujourd'hui, fut emprunté pour désigner donc des humains, entre guillemets, mécaniques. Donc le terme androïde peut signifier l'un ou l'autre, alors que le terme cyborg pour organisme cybernétique ou homme bio-ionique désigne une créature faite de parties organiques et artificielles. Quant au terme robotique, il fut introduit dans la littérature dès 1942 par un certain Isaac Asimov dans son livre Runaround. Donc il y énonce les fameuses trois règles de la robotique qui deviendront par la suite dans les œuvres de science-fiction les trois règles de base quoi. Voilà. Donc évidemment après cette petite introduction nécessaire, les jouets, donc le thème du jour robot sont arrivés en France suite à l'apogée de la saga Star Wars. On est complètement dans le thème, le film vient de sortir. Ouais. Les robots commencent donc à arriver, mais c'est surtout grâce donc à un certain Goldorak. Moi perso, je ne sais pas qui c'est. C'est pas un bateau pirate Goldorak, il y a un truc ouais. Que donc la folie du robot et notamment celle du robot géant prend sa source. On va attaquer par les gammes de jouets. On va essayer de faire quelque chose de chronologique et nous allons donc nous écouter le générique chanté par Bernard Minet du dessin animé Gobot. Trop bien. Gobot, les justiciers de fer. Gobot, d'un étrange univers. Se transforme pour aller au combat. Chevalier de l'espace qui jour et nuit font face aux cruels renégats. Go, go, go, go. Gobo, moi je suis, je vous interdis du dire du mal. Bon, du dessin animé, vous avez le droit. Mais à It Is le podcast, on n'a pas le droit de dire du mal de Bernard. Ah non, pas du tout. Et j'avais des cassettes de Bernard Minet. Moi, mais je respecte le personnage. C'est le vinyle, s'il vous plaît, des GoBots. Ah oui. Évidemment, comme vous l'avez entendu, on parle des GoBots, hein, ouais. Les robots entre guillemets pas chers en jouets. Mmh. Bon, je vous invite à écouter notre podcast qu'on avait fait sur les œuvres oubliées, parce que moi, pour les besoins du podcast, j'avais revu quelques épisodes. Quel courage. Oh là là, quel courage. C'est épouvantable parce que bien évidemment, un peu plus tard, nous parlerons des Transformers, mais visuellement, c'est les Transformers, mais en pas beau. C'est-à-dire que on sent qu'ils sortent sur la mode du robot transformable, mais ils avaient une particularité, c'est que ils avaient, comme j'expliquais déjà dans le podcast, un visage à apparence humaine, mais vraiment un visage humain. Mmh. Et je trouve que ça fonctionne pas du tout dans l'univers Mika. Alors Winston, je me retourne vers toi. Oui. Déjà, est-ce que tu connais ce dessin animé? Est-ce que tu as un affect particulier? Eh ben moi, les GoBots, comment dire, je suis vachement plus jeune. Je suis plus jeune que vous. Et pour moi, les GoBots, c'est vachement flou. Mmh. Et moi, ce que je me souviens, c'est que c'était les trucs que je voulais pas que ma mère m'achète. En fait, surtout ça. Ah ouais, à ce point-là. Parce que si je peux me permettre, Winston, c'est vrai que j'ai pas pensé à le dire tout à l'heure, mais quand on a un peu préparé l'émission, enfin, t'avais commencé à m'évoquer le fait que tes parents travaillaient dans ça. Oui. Et c'est quelque chose que j'aimerais que tu nous expliques, parce que, chers auditeurs, soyons honnêtes, notre ami Toy Kid chez moi avons déjà dépassé la quarantaine. Oui. Ce qui n'est pas du tout le cas de notre ami Winston. Pas trop, non. Et pour communiquer avec toi depuis, ça fait un paquet de temps qu'on discute ensemble. Ouais. J'étais sincèrement persuadé de par ta culture haute que t'avais au minimum mon âge. Alors, explique-nous pourquoi tu connais autant de choses. Eh ben, je connais beaucoup de choses parce que quand j'étais petit, j'ai 33 ans, donc je suis vraiment né dans les années 80, moi. Ma mère et un de ses compagnons ont quitté Lyon pour ouvrir un magasin de jouets à Dijon, un jouet indépendant. Ah oui. Mon beau-père faisait les salons de jouets et rapportait à la maison pour lui des prototypes. Ah, cool. Et donc j'ai eu pas mal dans les mains des protos ou des goodies de salon du jouet, genre les Gremlins par exemple. Moi j'ai connu ça en photo par la gamme de jouets avant la sortie du film. C'était un peu, je sais pas comment expliquer ça, mais voilà, c'est des catalogues promo. J'ai eu des prototypes Disney aussi en mobilier. J'avais un bureau plutôt taille réelle. Tu l'ouvrais le dos et ça faisait un bureau et enfin voilà, des trucs de fou furieux. Donc j'étais un peu calé sur ça. Puis mon beau-père adorait les jouets, donc il m'a vite transmis le virus. Voilà. Ah, c'est cool. D'accord. Donc là, il y a Patrick, le collectionneur, qui est en train de se dire, mais ça doit être hyper coté les protos et tout, enfin des trucs. Ouais. Bah ouais, bien sûr. Et encore moins ailleurs, quoi. Enfin. Il y a des trucs qui sont partis à la benne, il y a des trucs qui ont disparu en déménagement, enfin voilà, il me reste rien à part des cartes postales Tortue Ninja et mes photos Gremlins, voilà, c'est tout. D'accord, donc c'est tes précieux sésames, quoi. C'est mes précieux, ouais, c'est mes précieux. Alors, donc, je vais me tourner vers Toy Kitsch. Ouais. Toi, les GoBots, on en parle un petit peu en émission. Qu'est-ce que ça t'évoque? Déjà, le dessin animé, est-ce que tu me rejoins un petit peu? Est-ce que tu regardais comme moi, enfant? Bref, je regardais un petit peu, mais je t'avoue que c'était pas ma série préférée. Déjà, à l'époque, tu voyais la faiblesse du... J'avais déjà la vision, c'est comme les maîtres de l'univers, je trouvais ça assez moche. Ouais, voilà, donc, autant les jouets sont vraiment bien, autant l'animé, c'était bien cheapos, quoi. C'était ce Bidou avec des robots, quoi. Donc, c'est vrai. C'est la même, ouais. C'est le même studio. Hein. Et ce qui est très drôle, c'est Hanna Barbera, c'est ça? Hanna Barbera. Si tu peux un peu nous parler un peu de l'historique de cette gamme de jouets qui a découlé donc au dessin animé. Ouais, donc à la base les GoBots, donc ça s'appelle les robots machines, hein, c'est japonais, c'est sorti en 83, je crois, c'est ça. À la base c'est juste des petits robots qui ont des numéros, ils ont pas de nom, il y a pas d'histoire, c'est juste des robots qui se transforment en véhicules. Voilà. Point. La société Tonka, donc qui est aussi japonaise mais qui distribue aux États-Unis et à travers l'Europe. Elle décide de créer un univers avec ces produits-là, avec ces robots-là. Donc, ils renomment tous les persos et créent par la même donc deux clans, donc les gentils et les méchants, hein, bien sûr, en classique. Hein. Et ils s'associent donc avec Hanna-Barbera en 84 pour sortir un animé et donc distribuer les jouets à travers le monde. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que la licence a été rachetée en 91 par Hasbro, qui lui détient déjà les Transformers. Ah, je savais pas, ouais. Tout est revenu. Ils sont pas cons chez Hasbro. Ouais, carrément. Et qu'est-ce qui explique que, enfin, sur le papier, ça coûtait nettement moins cher que la gamme concurrente qui est Transformers? Tout simplement la taille, déjà, hein, les gobos. Ah, oui, à part les super petits, hein. Gobos qui sont arrivés plus tard, les gobos de base, ils sont tout petits, hein, et la production a sûrement été largement rentabilisée, quoi. Souvent, c'était les mêmes moules, ils les ressortaient parfois avec des nouvelles couleurs, hein, donc on utilise les mêmes moules, ça coûte encore moins cher. Hein. Donc je pense que oui, c'est par rapport au nombre de la production qui pouvait se permettre de faire des trucs pas chers, quoi. D'accord, ouais, okay. Ouais. C'est le système japonais, quoi, comme Nintendo a fait. Enfin, tu produis à la chaîne avec des moules identiques et puis t'envoies, quoi. Ouais, puis, ouais, et la taille surtout. La taille, ça joue énormément. Puis c'était simple. Ouais, ouais. Il y avait beaucoup moins de pièces que sur les Transformers, quoi. Ah, bah ouais, ouais, carrément. C'est pour ça que j'en voulais pas. C'était vachement simple. On dirait du Transformers actuel. J'étais sûr que t'allais placer ça. Non, le plastique est mieux. J'ai un affect particulier parce que, évidemment, à l'époque, même enfant, j'arrivais à avoir la différence entre la qualité des jouets, mais parlons peu, parlons bien, parlons des jouets, on va de la gamme GoBot. Comme tu l'as si bien dit, on avait donc les gentils, donc les gardiens, et leur chef, leur leader, hein, tout simplement, s'appelait tout simplement leader. Cherchez pas. Je crois que c'était donc c'est un avion de chasse, au risque de vous dire une ânerie, de type F-16. Bon, petite anecdote à la Mikado, comme vous le savez, dans le dessin animé, c'est Henri Djanik qui le double. Et Henri Djanik, c'est Barracuda, c'est Kojak, c'est Bourriquet. Ouais. Donc c'est quand même une voix assez emblématique. Bon, c'est l'anecdote qui ne sert à rien, on est bien d'accord. Mais moi, j'aimais bien ces jouets. Bon, je te rejoins complètement, Patrick, parce que c'était des gammes qui étaient petites, mais elles faisaient le travail. Par rapport à la qualité, comme nous le dit très régulièrement notre copain Archéotoy, la jouabilité du jouet est très bonne. Puis tu pouvais l'emmener dans ta poche à la récré, quoi. Ouais, c'est surtout ça, ouais. Puis on avait les méchants, c'était les renégats. Et leur chef, que je trouvais hyper cheap déjà à l'époque, c'était une moto qui s'appelle Cyclo chez nous. En fait, c'est très simple. C'est comme si t'étais un humain et tu dis, tiens, je vais me mettre faire en forme de moto, c'est-à-dire je vais me mettre à genoux, je vais mettre les mains devant, et puis tu fais comme, tu sais, tu fais du pilate et ça fait le boulot, quoi. Et malheureusement, déjà à l'époque, je pense que Toy Kitsch, qui est un expert, va confirmer, déjà à l'époque, moi qui étais très friand de tout ce qui était transformation, je trouvais que c'était d'une rare médiocrité, quoi. Ouais, moi, c'était la simplicité. Moi, ça m'a jamais dérangé, mais c'est vrai qu'il y avait vraiment un fossé entre les deux gammes, complètement. Voilà. Alors, donc, en parlant de gamme, est-ce que tu aurais quelques collections de jouets GoBots soit sont chers à ton cœur, soit que tu connais, etc. Non, la gamme principale, hein, je pense que c'est celle que, enfin, du moins tous ceux qui les ont connus, c'est tous ceux qui les ont eus dans les mains, c'est vraiment la gamme avec les petits. Ça, il y en a eu quand même pas mal, hein. Je vais pas dire un connerie, mais il y en a moins de cinquantaine. Hein. Cinquantaine. Voilà, après, il y a eu des plus grands. Ça, j'y mets un peu moins parce qu'on avait l'impression que ça venait encore d'ailleurs. On avait l'impression que c'était pas les mêmes designers pour les deux gammes. Ou alors, ils refaisaient les mêmes de petits en plus gros. Du coup, on voyait les détails dégueulasses encore plus. Je suis assez d'accord, mais dans mes souvenirs, donc je reste sur l'exemple de Cyclo, donc la moto. Ouais. Il me semble que la version grande, on va dire, était beaucoup plus quali au niveau finition. Enfin, je dis une bêtise. Ouais, c'est pas tout ça, mais du coup, il est toujours aussi moche, hein, mais plus gros. celui que je trouvais, mais de loin, il y en avait deux que je trouvais particulièrement laid, c'était le scooter, qui s'appelait Scooter. Ouais. Et j'en avais déjà parlé à l'époque, le bras droit du méchant, c'était une femme qui était incarnée par une sorte de voiture de sport noire. Est-ce que tu te souviens, Toy Kitsch? Ah, ça, je m'en rappelle plus, ouais. Je m'en rappelle plus de la fille, ouais. Et ouais. C'était pas très bien fait, malheureusement. Ouais, je m'en rappelle plus. Hein. En revanche, en préparant l'émission, évidemment, j'ai regardé des catalogues un peu comme vous, messieurs, de ce qui se faisait. Il y avait quand même quelques véhicules quand je les ai retrouvés, je me dis, je les ai eus, ceux-là. Et tu sais, il y a un côté Madeleine de Proust, hein, c'est un peu le thème du jour. Ouais. Moi, je me souviens très, très bien, on en a parlé, d'avoir eu la Jeep, que je trouvais géniale. Et en regardant les photos, c'est super cheap. T'as l'impression que c'est du Lego, mais en métal. Je sais pas comment t'expliquer. C'est très carré, c'est ça. Hein, La locomotive que je trouvais très très très très belle. Ouais, c'est vrai qu'elle était jolie. Alors, En préparant aussi également l'émission, je me suis rappelé qu'il y avait une gamme, j'ai oublié le nom, peut-être tu vas m'aider, où en fait, c'était un véhicule, c'était des plus gros véhicules, mais quand ils se transformaient, ils avaient plus ou moins tous l'apparence, et la tête, c'était la cabine. Ouais, l'habitacle, voilà. Et là où j'ai dit, oh là là, ça c'est quelque chose que j'aimerais posséder, vous savez, j'adore le dessin animé Cobra. Et bah, ils ont utilisé probablement un démoule, hein, quelque chose, mais sous licence. Hein, j'ai regardé, c'est vérifié, c'est pas du bootleg comme tu le dis régulièrement. Non, pas du tout. C'est le véhicule évidemment sans roue futuriste de Cobra qu'on voit plein de fois. Pas la moto, hein, le véhicule, la voiture, qui se transforme en robot, qui doit être, je pense aujourd'hui probablement un des objets les plus recherchés de la gamme GoBot, quoi. Et d'ailleurs la version japonaise, il y a vraiment marqué le nom du véhicule que j'ai oublié. Hein. Il est sous licence, il est vraiment sous licence Cobra. Oui, chez nous, il a un autre nom en France, ouais. Bah, ouais, comme en fait, c'est passé par les États-Unis et qu'aux États-Unis, Cobra s'est sorti bien après. On s'est retrouvé que marqué, je sais plus, Machine Future ou un truc comme ça dessus. Ouais, c'était Machine Future. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors qu'il y a aucun marquage Cobra dessus, quoi. Et pourtant, et sur le blister de mémoire, il y avait quoi, du Cobra dessus ou pas du tout? Je me souviens plus. Non, je crois pas. D'accord, non, ouais, vraiment, c'est. À l'époque, ils faisaient des packaging avec. Ils mettaient pas forcément la gueule des personnages, donc c'était un peu compliqué. Enfin, c'était plus simple pour l'export. Et puis, c'était peut-être des packages par pays ou par région, non? J'en sais rien. Ouais. Après, on a peut-être eu un sticker rajouté, ça les aimait bien. Ah oui, vu à la télé. Selon les pays, ouais. Vu à la télé, ou alors avec la tête de Cobra, ou enfin, je sais plus, hein, je vais pas dire de bêtises, mais c'est possible. Qu'on a eu ça. Ouais. Alors Patrick, bon moi tu vois, j'étais un peu évoqué mes Madeleine de Proust concernant la gamme GoBot, mais quand même, question, est-ce que tu en as? Est-ce que c'est une gamme que y a des choses que tu recherches? Et surtout, ton Saint Graal, entre guillemets, si t'en cherches un dans la gamme GoBot? Alors oui, j'en ai même toujours eu, hein, même gamin. Je les ai perdus, je les ai revendus, j'en ai retrouvé en brocante, etc. J'en ai même trouvé en magasin en deadstock en 2005. Ouais, je tu crois. Peux nous dire ce que c'est? Alors ouais, pardon, un deadstock, en fait, c'est un stock retrouvé dans une cave, dans un carton, dans un magasin, un truc qui date souvent de 20, 30 ans ou plus parfois. Voilà, donc là, j'avais trouvé en région parisienne un magasin qui avait retrouvé un carton au fond d'un truc de rangement, quoi, de gobo, quoi. Donc il y avait à peu près c'est le bonheur du collectionneur, ouais, complètement, ça. Ouais. Donc il y avait à peu près 5-6 modèles différents, ils les vendaient une dizaine d'euros, je crois, un truc comme ça. Ouais. Ah oui, donc ouais, pas très cher, quoi. Ah ouais, et ça me rappelle il y a quelques années, toi évidemment tu dois connaître, mais il me semble qu'il y avait eu le même genre d'affaires pour des gammes de jouets Star Wars sous Kenner, quoi, la marque Kenner, quoi. Bon, ouais, ça arrive de moins en moins forcément, parce qu'à force tout est retrouvé, mais de temps en temps il y a des stocks comme ça qui réapparaissent. C'est pour ça que des fois les prix sur eBay sont très variables. Un truc qui va être super rare, et ben le jour d'après, s'il trouve je sais pas, quelques centaines d'exemplaires, bah forcément, les cotes vont vachement baisser. Quoi. Ah oui, les oui, cotes oui. Baissent, ah ouais, oui. Ouais. Donc il y a un pseudo-argus sur ce type de produit. Ah bah surtout ce qui se collectionne, malheureusement. Et bon, bah pour rester sur les GoBots, quel est ton jouet fétiche? En fait, j'aime bien la gamme, surtout les petits, mais principalement les versions aliens. La version qui était un peu plus futuriste, oui. Ouais, j'aimais bien le scorpion, j'aimais bien l'espèce de Batmobile, là. Ah, mais oui, bah, écoute, Patrick, évidemment, tu savais que j'allais dire ça, parce que, moi, c'est un véhicule que j'ai eu les deux tailles, parce que, on en parlait, il y avait le petit et la grosse, je suis tout à fait d'accord, hein. Tu m'avais évoqué que le grand modèle était la version, dégrossie même, du petit modèle, mais, j'adorais le design, je trouvais que ça, c'est par rapport à la gamme qui était, un petit peu cheap, soyons honnêtes. Celui-ci se démarquait et sincèrement, comme tu l'as dit, je trouve encore aujourd'hui, hein, que qu'une fois transformé en véhicule, bah t'avais l'impression que c'était la Batmobile, quoi, mais version très inspirée. Voilà, très inspirée, et voire un peu une version organique, un petit peu du véhicule. Quoi. Ouais. Non, c'est étonnant parce que cette partie un peu alien, on a eu, je crois, je vais pas dire bêtises, je crois qu'il y en a eu 4 ou 5, et après ça a pas dû marcher à l'époque, quoi. Ouais. Donc voilà, bon, il y avait aussi le sous-marin que j'adorais, l'hélico, c'était un personnage récurrent dans le dessin animé qui était très très moche dans le dessin animé. avec une sorte de tête, ça faisait une tête d'aigle un peu, enfin, c'était voilà. Bon, très très honnêtement, les GoBots, c'est voilà, c'était le penchant moins cher des Transformers. Ouais, c'est ça. Bah, ouais, ouais. Après, ça n'empêchait pas de s'amuser avec. Hein. Ah ben voilà, voilà. À partir du moment où le jouet est agréable à jouer, hein, tout simplement. Moi, je pars du principe qu'il faut pas avoir de préjugés, quoi. Tout à fait. Non. Alors messieurs, soyons honnêtes, on attaque le gros sujet, à savoir les Transformers. Donc on s'écoute évidemment le générique. The Transformers, more than meets the eye. Autobots waves their paddle to destroy the evil forces of the Decepticons, the Transformers. Robots in disguise, the Transformers, more than meets the eye, the Transformers. Alors, les Transformers. Au milieu des années 80, la marque Hasbro découvre des jouets japonais, les fameux Diaclone. Alors, qu'est-ce que c'est les Diaclone? Winston, tu m'en as parlé un petit peu. Est-ce que tu voudrais évoquer un petit peu le dossier avant que je continue? Ah, les Diaclone, les Toy Kitsch, il parle un peu japonais, mais moi je fais un peu l'accent. Diaclone. Les Diaclone. Ah, moi je pensais que c'était une trad française un peu hasardeuse, quoi, non? Non, pas du tout. Il y a eu, c'est la trad américaine d'ailleurs qui est plus, parce que ça a été distribué aux États-Unis. Et chez nous. Et la trad américaine n'était pas tout à fait exacte. On était plus proche du sens premier. Voilà. Mais Diaclone, oui, ça a été distribué par Joustra chez nous, en France, avant les transfos, non? Ou l'année d'avant, peut-être, 80. Oui, 82, je crois. 82, ouais. Ouais, c'est une gamme du début des années 80 et ben en fait il y a pas mal de personnages des Diaclones qu'on retrouvera plus tard dans Transformers. Alors donc comme c'est à peu près plutôt bien résumé parce que nous on connaît la marque, hein, la marque Transformers, oui. Mais avant que ça devienne Transformers, bah comme tu l'as dit, ça s'appelait Diaclone. Diaclone. Hasbro rachète ses jouets et d'autres robots japonais de cette marque pour créer donc les fameux Transformers. Je peux rajouter juste un petit truc. Ça reprend aussi certains robots des Microman. Microman qu'on a connu chez nous sous le nom Micronautes, qui sont une gamme des débuts des années 70, hein, c'est très vieux, ça existe toujours d'ailleurs, et ça avait repris certains robots aussi de cette gamme, quoi. C'est vraiment un mix de plusieurs gammes. Bah là, tu m'apprends complètement quelque chose, parce que j'ai fait mes devoirs et j'ai pas du tout vu. Et donc, tu es en train de nous dire que les robots transformables, c'est quelque chose qui a explosé dans les 80s, mais qui existe bien avant. Le premier robot transformable officiel, donc un vrai robot qui se transforme en véhicule, c'est Raiden, qui est un dessin animé des années 75, hein, c'est un truc à la Goldorak, hein, dans l'idée, mais avec un robot. En fait, on a eu les jouets, hein, qui sont sortis chez Poppy, mais on n'a pas eu le dessin animé. C'est un gros robot, on dirait un petit peu un sphinx. Un Megazord un peu, non? Non. Au niveau de la tête, il a une tête très fine. Essayez de faire une petite recherche sur Internet de Raiden. Donc, R-A-I-D-E-E-N. Voilà, on n'a pas du tout eu le dessin animé, hein, mais on a eu tous les jouets. On a eu les gros en plastique et en métal, quoi. C'est un dessin animé japonais. Totalement japonais. Ouais. D'accord. Ouais, donc c'est le premier robot transformable. Officiellement, c'est celui-ci en tout cas. C'est celui-là. Et apparemment, Takara qui a fait Diaclone avait déjà fait un proto qu'ils ont réinjecté plus tard. Enfin, que Hasbro a réinjecté plus tard dans les Transformers. C'était Sendover en version Transformers, je crois, un truc comme ça. Et le proto datait de 78, apparemment. Oui, il y avait déjà eu des essais a priori avant. Et ça doit être des pièces rarissimes, à trouver, ça doit être compliqué, quoi. Ah bah les versions Diaclone, ouais, sont. Et bah justement, je vais vous en parler parce que donc il faut savoir qu'Hasbro établit un partenariat avec Marvel et font une BD comics qui marche plutôt bien aux États-Unis et qui donne naissance au dessin animé que nous avons connu dans les années 80. Alors, pour parler rapidement du dessin animé, c'est le pitch est rigoureusement identique que les GoBots, à savoir les gentils, les méchants, ils se retrouvent sur Terre à se faire la guéguerre et tout, mais quand même avec un visuel nettement plus supérieur, comme évoqué graphiquement. Moi, je les ai revus avec mes enfants Bon, tu sens que c'est quand même une pub bien masquée. Comme beaucoup. Mais propre. Enfin, visuellement, moi, je trouvais que ça fonctionnait bien, quoi. Bon, ouais. Après, les histoires, ça cassait pas trois pattes à un canard. C'est assez compliqué de regarder ça aujourd'hui. Ouais. Mais après, ça va, il y avait quand même un meilleur background que les gros. Les personnages étaient un peu plus intéressants. Beaucoup de personnages, un peu plus, on va évoquer, mais ça découle sur des gammes de jouets, mais il y avait dans le dessin animé des univers de robots qui font que, les gentils et méchants, ils avaient presque le même logo, visuellement, ils étaient corrects, donc ça, entre guillemets, si tu compares aux Gobots, c'est clair que ça fonctionnait infiniment mieux. C'est clair. Alors, on parlait donc de la gamme Diaclone. Il faut savoir, petite anecdote, que le chef, évidemment, des gentils, à savoir Optimus Prime, le camion, le cultissime camion rouge. C'est pas lui. Eh ben, il existait déjà dans cette gamme. Ouais. Et il se vend aujourd'hui, à votre avis, les amis, une petite Argus, Winston? Combien d'euros? Oh, en boîte mint? J'en ai aucune idée, j'imagine. Je te donne un indice, c'est à trois chiffres. C'est à trois chiffres, c'est tout? Oui. Raisonnable. C'est raisonnable, Ouais. Je sais pas, peut-être 600-700 balles, j'en sais rien. J'en sais rien du tout. Je vous ai dit trois chiffres, je me suis complètement loupé. Je voulais dire. Il manque un zéro. Il manque un zéro. Voilà. Donc, ouais, ça m'étonne pas. C'est tout à fait ça, sauf que tu rajoutes 1000 dollars. C'est-à-dire que, aujourd'hui, il cote 1650 dollars. Visuellement, moi j'ai regardé, je me dis un truc comme ça. Mm-hmm. Bah en fait c'est exactement le Optimus Prime qu'on avait. Bah c'est les mêmes moules. C'est pas les mêmes stickers, je crois, en fait, sur sa caisse. Ouais. Là il y a marqué Diaclone sur la caisse. Ouais. Et en plus c'était pas le chef dans les Diaclones, quoi. Alerte ! Les Diaclones sont attaqués. Tous aux airs de transformation. Transformation escadrille. Transformation avion. Diaclone à l'attaque. Les lâches, ils s'enfuient. Ouah ! Diaclone, des robots transformables à volonté. Alors là, bon, évidemment, on va parler de ces jouets qui, me concernant, sont très très chers à mon cœur. Winston, j'ai envie de te dire, est-ce que tu pourrais nous parler, des gentils, des Autobots, un peu, les différentes gammes, ce qui te plaise, qui te plaise encore aujourd'hui, que tu possèdes, que tu possèdes pas. Est-ce que t'as connu, parce que comme tu l'as dit, t'es infiniment plus jeune que nous. Ouais. Donc est-ce que déjà t'as un affect sur ce type de jouet? Sur ce type de jouet, ouais. Parce que moi je suis l'aîné de ma génération dans ma famille, et donc tous mes oncles, en fait, quand moi j'étais petit, ils avaient 18, 22 ans. Et ils m'ont bombardé de Bumblebee, les tout petits formats qu'il y avait dans la G1, les tout petits. Petite anecdote, c'était une coccinelle à la base. Voilà, ouais. Transformers, ça tient une place assez importante pour moi. Je suis pas non plus un monstre de calage sur Transformers, mais c'est vrai que j'aime beaucoup cet univers en général, que ce soit d'ailleurs les Autobots ou les Decepticons. Et je trouvais plus racé d'ailleurs les méchants, les Decepticons. Je suis complètement d'accord, parce que toujours mieux les méchants. Alors moi, c'est toujours mieux les méchants. Encore une fois, je vous dégaine une anecdote. J'ai mon meilleur ami qui a le Optimus Prime en boîte, qu'il n'a jamais voulu me céder. Donc je comprends, mais Didier, je t'embrasse, mais à un moment, il faudra que tu me le lâches, quoi. Et je reconnais que bon, il est génial. Hein. Franchement, j'aimerais trop le posséder avec la remorque qui va avec, qui se transforme en base et tout. Moi, quand j'étais gamin, encore une fois, petite anecdote, j'étais tellement fan que, comme vous le savez, Winston le sait que trop bien, parce qu'on parle que de ça sur les réseaux sociaux. Je suis grand fan de Lego. Ouais. Et cet Optimus Prime, je l'avais refait en Lego tellement que j'étais client, quoi. Ah, excellent. Avec l'unique condition qu'il soit réellement transformable. C'était mon challenge, quoi. Mais je reconnais volontiers que les Decepticons, donc les méchants, sont nettement plus racés. Moi, je pense tout de suite, moi je dégaine, après je vous laisse parler, hein. Mais là, vous avez mis une pièce. C'est bon, on peut partir. Mon personnage. Oui. À bientôt. Merci. Ok, bon, je coupe le micro, les gars. Moi, je m'en fous. Non. Moi, mon personnage culte encore aujourd'hui, c'était Soundwave. Ça l'est toujours. Soundwave. Alors, c'est un des bras droits, peut-être le seul intelligent dans le dessin animé. C'est ça. C'est un peu ça. Ouais. Et qui avait une particularité qui, aujourd'hui, pour les jeunes, est complètement obsolète, c'est que c'est un robot qui se transformait, écoutez bien, en radiocassette. Et là, tu te dis, ok, ça sert à rien. Je suis tout à fait d'accord, sauf que bah, évidemment années 80 la cassette c'était et là il avait la particularité, Patrick, je te laisse nous la dire, que ces cassettes se transforment aussi. Et voilà, et oui. Ça c'était moi je l'ai jamais vu, donc je l'ai jamais eu, et ça me faisait fantasmer parce que il avait une cassette qui se transformait en aigle, enfin je crois, une qui se transformait en léopard. Et un qui se transformait en espèce de petit robot, tu sais, qui avait pas des bras, mais des... Pour marteler. Pour marteler le sol. Et je sais pas, je trouvais que c'était la méga classe. Évidemment, enfant comme vous, je me demandais comment il arrivait à contenir toutes ces cassettes. Patrick, je pense que tu connais ce jouet physiquement, si tu peux nous en parler, si bah il était top à l'époque, ou si c'est le souvenir du petit Mikado qui parle. Non, il est toujours top, hein, d'ailleurs, je te ferai des photos si tu veux. Ah là là, c'est moche, quoi. Il était vendu comment? C'est-à-dire qu'il y avait les cassettes qui l'accompagnaient? Alors, de tête, je crois qu'il n'y avait pas toutes les cassettes. Évidemment, j'ai trouvé en broc, hein, mais donc avec une cassette. Je crois qu'il était qu'avec une cassette, et je crois que les autres se vendaient séparément. Ouais, comme maintenant d'ailleurs. Ouais. Bah oui, il faut acheter à côté. Hasbro, ils sont pas bêtes, hein. C'est logique. Attrape-les tous. Et tiens, Toy Kitsch, je te garde. Là, comme ça, Transformer, gros dossier. Je sais que t'es comme moi, que t'as un gros affect. Ouais. Quels sont tes jouets, ton jouet que t'affectionnes, que tu trouves vraiment classe, qui vieillit bien? Ouais, j'aime bien Devastator, ça fait partie quand même des combineurs, voilà, des plusieurs robots qui se transforment, tout simple, enfin 5 robots je crois de tête, qui se transforment en un grand robot géant, avec Devastator. Ce qu'il faut souligner, Patrick, c'est que, ok, c'est des véhicules, c'est 5, hein, c'est ça hein. Je crois que c'est 5, ouais. Qui font deux têtes, ouais. qui font Devastator, mais ces mêmes véhicules se transforment en robots. En robots, oui, chacun. Et ça, quand t'es enfant, c'est génialissime parce que c'était le premier. C'est clair. Il y en a eu d'autres, j'ai vu. Si tu peux nous parler un peu, donc on va dire de comment ça s'appelle cette gamme quand c'est plusieurs. Les combineurs, ouais. Parce que tu m'en avais posté un que je ne connaissais pas. J'aimerais que tu nous en parles un peu. Ouais, c'était Menaçor. En fait, dès qu'il y a eu Devastator, ça a tellement plu. Évidemment, ils en ont développé tout plein derrière. Évidemment, les derniers étaient un peu moins réussis. Hein. Ça partait un petit peu en sucette. Oh oui, mais c'était des robots qui ressemblaient à rien. Voilà. J'ai du dossier, mais Menaçor, c'est ça? C'était plutôt des voitures et un gros camion. Ouais. Le gros camion, c'était la base, donc le torse, et puis les voitures, c'était des voitures de sport. Hein, donc, se transformaient aussi elles-mêmes en robots? Tout à fait, même principe. Robot avec des cornes. Tu sais que j'en ai jamais entendu parler. Ouais. Je me suis rappelé qu'il y avait l'espèce de robot qui se transformait et en navette et en espèce de chemin de fer. Donc c'est non. Ça c'est encore une autre gamme. C'est Omega Suprême. Et quand je l'ai revu dans le dessin animé, donc que j'ai revu avec mes enfants, j'ai fait. Mais bien sûr, et en fait, Omega Suprême, en taille, il est nettement plus grand que tous les autres Transformers. Et je crois que dans le dessin animé, c'est le rival ultime de Devastator. Ouais. Ah si, il y a plus gros, il y a la planète. Mais bon. Ah oui, ouais. Voilà, bon après on peut pas tester. Voilà. Hein, mais... Nouveau danger pour les Autobots, les cruels Constructicons, transformation. Rassemblement des Constructicons. C'est Devastator, le péril mécanique. Autobots, à l'aide! S'il porte ce blason, c'est un Transformer. Winston, toi, pareil, t'es joué culte, si t'as différents Transformers à nous citer. Alors, moi j'avais Starscream. Ah, j'adore les avions. Et j'avais le Starscream bleu, blanc, rouge, enfin le fourbe, Starscream, le fourbe. Ouais, qui voulait toujours prendre la place du grand méchant. C'est ça, c'est Is No Good. C'est Is No Good. Et moi, je craquais devant Superion, qui est le combiner, mais que avec des avions. Il était super beau et j'aimais beaucoup Defensor. C'était aussi un combineur, mais lui, c'était que des véhicules de police, des ambulances, de sauvetage. Et ils étaient vraiment très, très beaux. Et donc, le combineur avec les avions, je suis persuadé que c'est les méchants. Parce qu'il n'y a pas d'avion dans les gentils. Et ben, en fait, c'est compliqué dans l'histoire. C'est un prototype de Decepticon qui est devenu gentil. Ah, voilà. Dans le background du dessin animé? Ouais, et on le retrouve dans d'autres backgrounds, toujours dans la G1, quand ils ont gardé cette continuité-là, ils ont refait des trucs, et Superion est toujours considéré comme ça. Voilà, c'est un gentil, voilà, c'est comme ça. D'accord. Si je vous dis Mégatron, à l'époque, Mégatron, évidemment, c'est le chef des méchants. Bon, les plus jeunes diront, mais Mégatron, c'est soit un véhicule, soit un tank, soit un avion dégueulasse, Mais non, les amis, Mégatron, c'est un pistolet. Et là, tu te dis, évidemment, on s'est tous posé la question, enfin, mais pourquoi le chef se transforme en pistolet alors que tous les autres se transforment et sont équipés de pistolets? Oui. Eh ben, j'ai envie de dire, on s'en fout. C'était juste un bip de jouet, quoi. Non? Ouais. Ah bah, c'est ça. Bah, il faisait partie des Diaclones, d'ailleurs. Ah, tu peux nous dire? Bah, il faisait partie des Diaclones, donc il n'avait rien à voir avec le reste encore. Ah bon, d'accord. Ouais, et de mémoire, il me semble que la finition était particulièrement quali, parce que tout de fer, non? Ouais, pratiquement, ouais. Et moi, je me souviens, bon, c'est un aparté, mais j'avais un copain qui avait entre guillemets, aujourd'hui, tu dirais un bootleg de Mégatron, mais qui était hyper classe, c'est-à-dire que la chambre où tu mettais les balles, tu se séparais en deux et ça faisait les jambes. Je sais pas si ça vous parle, ça, non? Ouais, il y en a eu plusieurs, mais oui, je vois à peu près. Enfin, voilà, quoi. Évidemment, on pourrait parler de Shockwave. Je me souviens également, c'est un gros pistolet de mémoire. C'est un pistolet, c'est une sorte de pistolet à impulsion. Avec un design de ouf, parce que évidemment, souvenez-vous, le dessin animé Ulysse 31 avec le Cyclope, je trouvais que c'était le Cyclope mais en robot. Ouais, pas loin, ouais. un peu la même essence, ouais, tout à fait. Ouais. Et évidemment, il y a comme le cité. On avait les Dinobots, c'était que je trouvais hyper classe. Hein, qui veut en parler, Winston? Dinobots, tout le monde connaît Grimlock, au moins lui. Moi j'en ai un. T-Rex, c'est vrai. Alors lequel des noms, je ne sais plus, mais je trouve que c'est une gamme qui est particulièrement quali parce que moi le mien là je l'ai sous les yeux, il a 30 et quelques années voire plus et il est nickel, quoi, tu vois. Pourtant il a dû jouer, enfin évidemment je l'ai acheté comme Patrick dans des différentes brocantes et il est nickel. Il manque juste les cornes, malheureusement. On dû se perdre avec les années. Bon, soyons honnêtes, les transformations sont pas très jolies. Non. Par contre en robot ils sont en dino, ouais. En dinosaure, c'est vrai qu'on l'a pas précisé, c'est plus ou moins des dinosaures. C'est ça, ouais. D'où le nom, un Dinobot, Dinobot, ouais. Anglophones, qui sont d'une rare qualité. Voilà. Ouais, d'ailleurs, il y en a un qu'on n'a jamais eu en France. C'est le ptérodactyle. Jamais sorti chez nous. Il est sorti aux États-Unis et au Japon, mais nous, non. D'accord. Donc, évidemment, Patrick, il les a tous. Hein, quoi. Oui, sauf le ptérodactyle. Alors, c'est de la folie furieuse. Donc, les Dinobots, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils étaient gentils, ils étaient dans le camp des Autobots, mais ils étaient extrêmement indépendants, ils étaient freelance, quoi. Mmh. Ils étaient très bêtes, surtout. Ils étaient très bêtes, ouais. Ah, développés, je m'en souviens plus. C'est des dinosaures, hein, donc cerveau, pas grand-chose. Donc selon ce qui se passait, ils allaient d'un côté et de l'autre. Hein. Ah, voilà, donc c'est ce qui explique pourquoi des fois, ils étaient pas toujours dans le bon camp. C'est ça. Et de mémoire, là, vous allez me corriger, les amis, mais on avait le penchant méchant, à savoir les Insecticons. Les Insecticons. Ou les Insecticons, je sais plus. Et c'est une gamme que je connais peu. Moi, j'en ai un. Bah. Mais qui est pas très joli. La bête tient très mal debout. Bah, Winston, je sais que t'en as parlé. Est-ce que tu connais un petit peu cette gamme? Je connais, pour en avoir vu traîner sur eBay. Je m'en souviens plus trop dans le dessin animé. Mais c'était vraiment basé, sur une gamme d'insectes. Mais d'ailleurs, je me demande si les Insecticons, c'est pas comme les Dinobots, c'est pas tiré d'ailleurs de Diaclone. Aussi. Si, c'est ça, d'ailleurs. C'est pour ça que la plupart des Insecticons, il y a un petit cockpit. On pouvait mettre un petit personnage qui a disparu après. C'était pas Diaclone, ça devait être d'ailleurs plutôt Microman. Microman? Ouais. Il y a un des Insecticons, alors je sais plus lequel, je crois que c'est une espèce de, pas l'escarabée, mais il y en avait un qui avait une couleur autre que les trois qu'on a eu, qui viennent d'une autre gamme, que je me rappelle plus le nom, une troisième gamme. qui a été racheté encore. Ouais, pour ça qu'il y a un peu de différence. Ça doit être des pièces hyper recherchées, ça, non? Ça fait partie des personnages, on va dire, un peu cultes de la série, quoi. Au moins, les trois Insecticons les plus connus, oui, bien sûr. Ouais. Alors, moi, ce qui est marrant, c'est que quand j'étais petit, j'étais persuadé que, je sais pas pourquoi, tu sais, des fois, on s'invente des souvenirs, mais que ça faisait une sorte de Devastator. avec plusieurs Insecticons, mais pas du ouais, tout. Ouais, c'est en fait. Les couleurs, mais pas du tout. Il y en a qui ont essayé, mais non. Ce qui est trompeur, c'est vrai qu'on l'a pas trop précisé, mais Devastator, les véhicules, c'est surtout des véhicules de chantier. Enfin, c'est pas surtout, c'est des véhicules de chantier. On a on a la pelle, enfin, etc. Mm. Et ce qui était trompeur, c'est que la gamme des Insecticons était la même couleur. Je crois, de mémoire, ouais, c'était violet et jaune. Violet et jaune vert. Ouais, ouais, un truc comme ça. Ouais. Donc c'était trompeur, mais bon, c'était en même temps hyper classe. Alerte rouge, invasion Insecticon, nouvelle force du mal des Decepticons. Transformation, Autobot contre-attaque, Dinobot à la rescousse. S'il porte ce blason, c'est un Transformer. Et ensuite, un qui était culte parmi cultes, que je garde un peu pour la fin parce que j'aimerais en parler, c'est le fameux Jetfire. Ah, alors Patrick, parle-nous de cette histoire, parce que ce robot de la gamme Transformer a une histoire toute particulière. Bah oui, d'ailleurs, par contre, j'ai pas la chronologie, enfin si, j'ai la chronologie, je suppose la chronologie, ouais. C'est que ça vient bien de Robotech, donc le Varitech principal qu'on connaît avec la tête de mort, bah s'est retrouvé dans les Transformers. Et pourquoi, explique-nous. Pourquoi, ça je ne sais pas, je m'en rappelle plus surtout, j'ai complètement oublié, je sais plus, il y a une histoire de droit, je suppose, mais... Et c'est quand même la classe, quoi, parce que, bon, c'est quelque chose qu'on évoquera peut-être dans le dossier voilà. Sentai, mais ce robot, il a la classe ultime. Ah bah ouais. En revanche, je trouve que par rapport à l'univers Transformer, il est pas à sa place visuellement. Ah bah on sent que le design il vient pas du même truc. Hein, ouais. C'est sûr. Ah on est d'accord. Il fait pas américain hein, dans l'approche. Hein. Ouais, tout à fait. Bah, même si tous les designers sont japonais hein, pour Transformers, mais ah ouais. Je pensais que c'était une exclusivement aux États-Unis. Ah non, c'est une coproduction Marvel et un studio japonais. Bah, je crois que c'est la Toei d'ailleurs. La Toei, c'est ouais, impossible. Ouais. Ouais. Donc ça a été designé là-bas, hein, puisque de toute façon les robots viennent de Diaclone, qui était japonais. Ouais, voilà. Ouais. Et enfin, alors on en parlait parce que nous, petits enfants. Tel que nous l'étions, on adorait transformer nos personnages fétiches de véhicules à robots, mais au milieu des années 80, on a eu mieux que ça. On a eu non seulement le véhicule qui se transformait en robot, mais en plus se transformait en un truc encore différent, un truc complètement inconcevable aujourd'hui, on est bien d'accord. Et moi, je pense, là je fais un gros big up à mon ami Sirf, vous savez, notre ancien animateur sur le podcast, Sirf. Que je l'embrasse, qui a un de ses véhicules et qui n'a jamais voulu me le donner. Et j'ai regardé sur Internet comment il s'appelle. J'ai pas regardé la cote, hein, ça se fait pas. Et c'est Blitzwing. Est-ce que vous vous rappelez de Blitzwing? Blitzwing. Alors, évidemment, donc c'est un robot qui se transforme à la fois, écoutez bien, en tank, mais également en avion. Ouais. Et franchement, il a la grande classe. Mais il est encore plus fort. Et celui-là, il est rarissime. Je l'ai jamais vu. Je le cherche. Patrick, est-ce que tu peux nous parler d'Astrotrain? Donc Astrotrain, on porte bien son nom d'ailleurs. Oui. En train, en navette spatiale et donc en robot. Je pense que oui, effectivement, c'est un des plus beaux triple changers. Donc qui change trois fois de la gamme, parce qu'il y en a eu plusieurs. Mais ouais, c'est le plus emblématique, ouais, ça c'est sûr. Bah, ça fait rêver, une navette spatiale, la classe déjà. Ouais. Et puis un train, la classe. En plus, c'est pas un train genre à vapeur, hein, c'est un vrai train, quoi. Pour retrouver ça, faudra attendre tard dans les Sentai, hein. Faut attendre Gogo 5, hein, pour retrouver un train qui va dans l'espace en navette, spatiale. Ouais, c'est ça. On parle quand même de jouets des années 80, et ça devait être des ingénieurs, les mecs qui concevaient ce genre de trucs. C'est le truc, j'arrive pas à avoir de reportage ou d'interview sur le concept de A à Z. Comment créer un Transformer. On a des dessins préparatoires, on voit des protos, mais le comment ça a été pensé pour que ça se transforme, aucune idée. Enfin, les mecs, c'est pas de l'ombre de d'andouille, hein. Franchement, c'est... pareil, j'ai regardé un peu comme toi, je cherchais des trucs, genre, pour ne serait-ce qu'habiller l'émission, mais il n'y a rien. Malheureusement, il y a très peu de sources. Il y a beaucoup de catalogues, hein, ça nous a bien aidé pour préparer le podcast, mais en reportage pur, vraiment, quand on a envie de creuser le dossier, bah, il n'y a pas. Il n'y a pas grand-chose, on trouve des sketchs un peu des dessins préparatoires, hein, ça on en trouve un petit peu, quelques protos, mais alors pas les intermédiaires, quoi. On ne sait pas qui fait quoi. Attention, triple changer Decepticon, triple transformation, c'est Blitzwing. Hourra, c'est Stringer, le triple changer Autobot, à l'attaque. S'il porte ce blason, c'est un Transformer. Est-ce que vous avez d'autres choses à souligner, évidemment, sur notre grosse partie qui est les Transformers, Winston? Oula, pour finir avec Diaclone, on peut dire aussi que tous les avions Decepticons viennent aussi de Diaclone, ouais. Par exemple. Ouais. Ah oui, oui. C'est pour ça qu'ils gardent leur main. Oui. C'est-à-dire Non, les mains se rajoutaient pour les avions. Ouais. Et généralement, c'est le premier truc que les gamins perdaient. Quoi. Donc, bonne chance pour les trouver en loose. Starscream, moi, j'avais perdu les mains, je crois. Voilà. C'était pourquoi, trop la merde. Les mains, en fait, ne rentraient pas dans le véhicule ou un c'est truc ça, comme ouais. ça Ouais, parce qu'elles étaient sous les ailes. C'était sous les ailes de mémoire ou un truc comme ça. C'était mal gaulé. Voilà. Disons ça comme ça. Des trucs à rajouter. Quoi. En tout cas, donc, pour clôturer sur le dossier Transformers, moi, mon Saint Graal ultime que j'aimerais bien retrouver, évidemment introuvable, c'est bien Devastator. C'est vraiment un des plus emblématiques. Et je vais même vous faire une confidence, je ne l'ai jamais vu en vrai. Donc ça se trouve, il est tout cheapos. Je t'avais envoyé la photo. Il est plus joli maintenant dans des gammes vintage reproduites qu'à l'origine où il était un peu disproportionné, la tête était vraiment hors des épaules. C'est quand même cool d'avoir un combineur. Quoi. C'est pas donné à tout le monde. Parce que, on va en parler, mais Devastator, je l'ai version Transformer le film. C'est pas la même chose. Moi à choisir, même le vintage, il est magnifique. Quoi. Ouais. Voilà, donc on va en parler, mais je vous cache pas que j'ai un petit traumatisme sur ce dossier. Qui a moyen. Devastator, bref quoi. Alors, évidemment, on pourrait en parler encore longtemps, parce que moi, les Transformers, franchement, moi, j'en achète en brocante, parce que il y a quand même des gammes qui ont couru correctement jusqu'à aujourd'hui, ça existe toujours encore. Donc, de temps en temps, quand j'en vois un joli, je l'achète pour mon gamin. J'attends qu'il joue bien, bien, bien avec, et puis ça finit en général en étagère chez moi. je suis pas le seul à faire ça, alors. Ouais, et puis des fois, j'envoie des petits messages à Patrick, genre, celui-là, tu le connais? Et puis Patrick a toujours le bon mot pour me renseigner parce qu'une fois j'avais trouvé un tank, j'avais jamais vu, Hasbro 1984, enfin voilà. Donc Patrick. Et il te précise aussi qu'il l'a, tu vois. Non, j'ai pas plus de temps. C'est faux. J'insiste, Patrick, un jour il faut que tu fasses une visite guidée. Ouais, il faut que tu fasses une visite de ta maison. C'est ça, moi je profite de l'antenne pour te coincer. C'est moche, c'est dans les cartons donc. Alors donc on parlait Transformers, on a parlé de Gobots, mais chronologiquement on est quand même un petit peu obligé de revenir sur les Gobots, à savoir à travers le prisme de la revanche des Gobots, hyper original. On s'écoute le générique. Les amis, va falloir m'en parler parce que j'ai que des bribes de ce truc-là. Je l'ai déjà vu parce que je m'en suis souvenu. Par contre, de quoi ça vous parle? Qu'est-ce que c'est? La revanche des Gobots. Évidemment, vous l'avez entendu, ça parle des Rock Lords dans le générique. Donc, c'est le seul truc qui fait que je m'en souviens vaguement. Monsieur Kitsch, est-ce que tu peux un petit peu nous parler de la revanche des Gobots qui n'a visuellement rien à voir avec les Gobots? Voilà. Alors, autant l'histoire, je m'en rappelle plus, mais c'est sûrement les gentils contre les méchants. Mais avec une invasion de la Terre, sûrement. C'est ça. Mais version japonaise. Mais version japonaise, tout à fait. Autant le premier dessin animé est totalement américain et ça se voit, et autant la revanche des gobos est japonaise parce que au Japon, il n'y a pas eu les gobos. Les premiers gobos ne sont jamais sortis et donc les Japonais ont fait leur version, comme ça arrive même. Ils en auraient pas voulu. Ils en auraient peut-être pas voulu. Voilà. D'ailleurs, il y a même des séries Transformers qui sortent au Japon et qu'on n'a pas du tout d'ailleurs. J'ai déjà vu et c'est pas mal en plus. Hein. Ouais, il y a des trucs qu'on rate vraiment et des jouets aussi d'ailleurs. Mais pour les revanches des gobos, voilà. Donc ça a été vraiment une création 100% japonaise, quoi. Donc c'est pour ça que ça n'a absolument aucun rapport, à part les robots évidemment qu'on retrouve, enfin pas tous, hein, mais certains qu'on retrouve dans les deux séries. Ah ouais. Ouais, bien sûr, et évidemment vachement plus joli dans la version japonaise. Mais c'est vrai que le dessin, enfin je te coupe, mais j'évoquais le dessin animé des Gobots. Moi, le générique est culte, mais alors le dessin est épouvantable. Là. Visuellement, c'est super propre. Hein. Le seul truc qui gêne, c'est que c'est du 4 tiers, quoi. Et visuellement, ça m'a un petit peu rappelé les entre guillemets Robotech Macross. Ouais, tout à fait. C'est à peu près la même période. Hein, donc. Comme je l'ai dit, malgré tout, il y a quand même une particularité. Les Rock Lord, Toy Kitsch, t'as connu, toi? Bah oui, moi je connais, ouais, bien sûr. Même si je pense que la série est moins repassée que les Gobos, je pense que c'est pour ça qu'on a moins de souvenirs. Ouais. Autant les Gobos, ils ont dû les repasser jusqu'à la mort, autant la revanche, je suis pas sûr. Je suis pas convaincu. Moi, je pense que c'est jamais repassé. Et tu peux un peu nous développer cette gamme de jouets? Ah bah tout simplement, autant on a vu des véhicules ou des accessoires ménagers parfois, autant là c'est c'est des cailloux, voilà, ça se transforme en cailloux. Alors, les gars, super idée, on oublie les astrotrains là, vous savez les trucs, c'est un caillou, tu vois, et puis il se transforme en robot. C'est ça, on sait plus quoi faire, on va faire des cailloux. J'achète. mais mine de rien, ça avait bien marché. Oui. Parce qu'il y avait une certaine aura chez nous. Ouais. Je m'en souviens que tous les copains en souhaitaient un. Personnellement, j'en ai un parce que j'ai un ami qui me l'a offert pour mes 40 ans. Voilà, je vous raconte tout. Ça vieillit extrêmement mal. Enfin, comme s'il était hyper patiné. Ouais. Donc, la peinture, elle est complètement barrée. Et puis, au niveau transformation, celui que j'ai, hein, on est proche du néant. C'est une sorte de bas, comme l'a dit Patrick, un bête caillou. Et puis tu lèves les quatre parties, donc les épaules et le bas qui fait deux pieds, et voilà. Enfin, et voilà. Malheureusement, voilà. Et quid des robots de la revanche des gobos, parce que graphiquement, là, on est top, et ça laisse supposer qu'il y a eu probablement des gammes de jouets à tomber, quoi, non? Oui, il y a eu l'espèce de, j'arrive pas à me souvenir de ce nom, qui était déjà dans la première série, qui est un espèce de jet un peu futuriste rouge. Mm-hmm. Je sais pas si ça vous parle. On le retrouve en fait dans la revanche des gobos. Et les gammes de jouets sont arrivées chez nous? Oui. D'accord. Et alors là, moi, je sais pas ce que t'en penses, Winston. J'en ai jamais vu de ma vie. Hein. Je sais même pas à quoi ça ressemble. Non. Ouais, mais très peu. Hein. On a eu surtout les Rock Lord, évidemment. Ouais. C'était ça qui. Puis d'autres gammes encore plus bizarres. Il y avait des espèces de bestioles avec des poils là qui sont sortis vers la fin. Ça, personne s'en souvient. Ah non, vas-y, développe, parce que ça me dit rien. C'est sorti vraiment à la fin, parce qu'il y a eu plusieurs séries de Rock Lord. Il y a eu les cailloux, les versions un peu plus riches avec des diamants, des saphirs et ce genre de choses. Et vers la fin, il y avait d'animaux avec des poils, on aurait dit des trolls, mais en version dinosaure. Enfin, c'était catastrophique. Quoi. Ouais. Et ça, on est en quelle année à peu près? Je sais plus la série qu'on date. Elle a dû se arriver après, donc en 86, 87, je sais plus. Ouais. Ah non, ça me parle pas du tout. Enfin, c'est vrai que pour clôturer un peu sur ça, les Rock Lord. Je m'explique pas le succès monde ou France, j'en sais rien parce que je trouve cette gamme vraiment moche. Ouais, il suffit d'un bon influenceur. Le dessin animé était bien, je pense que ça a plu. Voilà, il y avait de l'action, des robots, c'était joliment fait. Malheureusement, j'ai très peu de souvenirs. Donc les auditeurs, vous évidemment, vous qui nous écoutez, dites-nous tout ça. Bonsoir et bienvenue sur RMC. Appelez-nous. Notre ligne est ouverte. C'est ça. Non, mais blague à part, amis poditeurs, si vous, il y a des gammes comme ça de ce qu'on évoque depuis le début de l'émission qui vous parlent, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Hein, nous, ça nous fait toujours plaisir. On les lit tous et en plus, figurez-vous qu'on y répond. Vous contrôler leur forme, mais aucune force au monde ne peut maîtriser la puissance et la fureur des Rock Lords, les robots super vaillants de Bandai. Donc là, on a fait quand même un joli tour hein, des robots typés américano-européens. Mais quand même, on peut pas faire l'impasse sur nos chers mechas, chers à notre cœur, qui viennent du pays du soleil levant. Winston, oui. Pour toi, oui. Qu'est-ce que ça représente, les robots qui est japonais? Pour moi, quand j'étais petit, c'était Bioman, c'était les Bioman, les Sentai. Quoi. On est, voilà. Donc, t'es en train de nous suggérer qu'on peut se remettre un petit générique. On peut se remettre un petit générique, ouais. Un petit miné encore. Barouille, ouais. Parce que je préfère, pour moi c'est la vraie version et puis en plus ça me fait penser à nos amis de France 5 parce qu'ils avaient repris cette musique musique originale c'est ça tout à fait, bref Winston, oui, Bioman, parce que tu l'as fait comme un, moi je disais Bioman, mais Bioman non mais faut dire Bioman, je sais même pas pourquoi j'ai dit Bioman en plus, même les japonais ne doivent pas dire parce que ça. Moi en à quadra j'ai connu le dessin animé, en revanche le jouet j'en garde peu de souvenirs, est-ce que tu peux nous parler un peu de ces différentes gammes de jouets? Bioman, c'est un peu le contre-exemple parce que Bioman, c'est juste un robot. C'est un robot géant qui... Il se transforme pas. C'est un robot qui vient sauver la Terre et qui donne du pouvoir, le pouvoir des Bioman à cinq gamins pour l'aider dans sa quête. Enlève-moi un doute. Oui. Moi, je parle avec mes souvenirs d'enfant. Pour moi, c'était deux navettes qui, une fois transformées, faisaient le Bioman. Ai-je tort? Monsieur Kitsch, dis-moi, j'ai un doute. Moi, j'étais sûr et persuadé que même dans les boîtes, t'avais juste le robot et qu'il n'avait pas de transformation comme dans les Sentai où c'est des véhicules qui s'assemblent pour faire un robot ou des animaux. Si, je crois qu'ici, si, il se transforme en navette spatiale. En navette spatiale. Il s'appelle le biorobot d'ailleurs. Oui. Il s'appelle biorobot. Il s'appelle pas Bioman. Si, il se transforme. D'ailleurs, tous les robots de Sentai se transforment depuis le début, si je dis pas de bêtises. Ah non, pas tout à fait. Ouais. Bioman, je pensais que c'était juste le contraire. Que c'était le contre-exemple, parce que moi je me souviens juste de la boîte avec le robot géant. Mais ça, c'est des jouets que vous avez eu, non, ou que vous possédez? Non, j'ai pas eu. J'ai quelques persos, mais pas le robot. Non, moi j'ai pas. J'ai eu d'une autre gamme avant l'arrivée des Power Rangers. Moi j'ai eu du Turbo Ranger. C'est même pas Bioman 3, on va dire que si ça portait les noms, ce serait Bioman 4 en fait. Voilà. D'accord. Okay. C'est ça. Voilà. Je fais un petit aparté parce que je reste vraiment dans le thème Sentai. Oui. Bon, c'est pas le sujet, mais je m'en fous. Je le place quand même. Pour moi, le robot transformable ultime, c'était le dragon dans XOR, Morox. Bon, j'en parle très rapidement parce que sinon on est un peu hors sujet. Mais je trouvais qu'au niveau dans l'univers Sentai, c'était celui qui avait la plus grande classe et celui que j'ai retrouvé en brocante. Je m'en souvenais pas trop. C'est la navette de Capitaine Scheider. Ouais. Pour info, c'est XOR 3, dirons-nous, le bleu, et qui a la particularité. Donc, c'est une navette qui se transforme en pistolet. Et évidemment, qui se transforme en robot. Donc, Vavilos. Le nom du vaisseau? Ouais, c'est ça. Eh ben, merci. Bon, très honnêtement, il est très, très laid. C'est pas faux. Il est très rigide. Ouais. Et la seule transformation qui est potable, c'est celle du pistolet. Donc, et parce que en robot, il est vraiment pas joli. Tu sais, c'est les mécas typés de ces dessins animés qui sont raides. Ouais. mais ouais, raides. Enfin, tu sens qu'ils sont, enfin, ils sont pas souples. Hein. Enfin, je sais pas comment vous expliquez le terme, mais, voilà, on sent qu'ils sont pas partis du robot au départ, ils sont partis de la forme. Ouais. Ouais, c'est la forme finale, et après, ils ont dit, oh, merde, faut le transformer en robot. Ouais, c'est vrai, c'est comme vrai. Comme beaucoup de Zord, comme beaucoup de robots transformables dans le Sentai, hein, quand tu les as en jouet, c'est quand même des planches, hein, c'est impressionnant. Hein. Ouais, alors messieurs, à l'époque, moi j'avais un peu décroché, mais il me semble que je voyais passer, parce que c'est surtout des trucs que j'ai revus en brocante, oui. Des robots, un peu comme on l'a évoqué, à la Devastator. Ouais. Est-ce que c'était déjà le cas dans nos chères années 80, de ce type de jouet? Ah oui, c'est du combinage, ouais. Hein. Ouais, c'est ça. Chaque membre de l'escadron, donc Sentai, c'est escadron en japonais. Chaque membre de l'escadron a un appareil ou un animal mécanique qui représente la couleur de cette unique. Et en assemblant genre l'avion rouge avec la Jeep jaune, la voiture bleue un camion rose, et ben tout ça te fait un robot, Megazord. Un Megazord, ouais. Aujourd'hui on dit, ouais, ça. On dit ça comme ça. Ouais. J'ai souvenir, alors peut-être c'est plus dans les années 80, mais d'animaux moi qui se transformaient pour faire un Megazord, style le plastron, c'était une tête de lion. Oui, ça c'est Bioman 2, c'est Maskman, ça, non? Ouais. Ah ouais, donc on est dans Life le sujet Man, là. Ouais, peut-être bien. Et ça, c'est des jouets qui sont sortis sur notre continent. Oui, ouais. Tout à fait. Ouais. Et toi, Patrick, il y a des gammes comme ça, on va dire dans le large univers Sentai qui te parlent? Oh bah j'en ai pas eu gamin, hein. J'en ai récupéré depuis, bien sûr. Oui. Mais, oui. Pas tous, hein. Loin de là, vu qu'il y en a quand même un paquet, mais ouais. Oui, j'aime bien aussi. Hein, là. C'est un peu moins ma cam, mais de toute façon, j'aime bien les robots transformables, donc oui, ça me plaît. Hein. T'as un modèle peut-être qu'on n'a pas évoqué à évoquer? J'avoue que j'ai quand même un peu plus de préférence avant que Power Ranger arrive. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ça change? Non, après les gammes sont devenues un peu très variables selon les années. Hein. Il y avait des trucs où c'était sympa. Power Rangers c'était bien. Zeo ça a commencé à partir un petit peu en sucette. Après c'était redevenu un petit peu plus normal. Enfin c'est vraiment selon les années. Puis alors, les dernières années là ça devient n'importe quoi. D'accord. Il y a des crus, genre le cru machin. Ils essayent chaque année, ils essayent un nouveau truc. Hein, mais plus ça va et je crois qu'ils ont plus d'idées et ça ressemble à des pâtés maintenant. Hein, donc. Et le pire c'est que ce soit le Sentai au Japon ou à la mode Aim Saban qui a créé les Power Rangers, des fois ils sont dans un bad move et donc ça dégringole au niveau des audiences et la saison qui a relancé le style c'était normalement la dernière saison du Sentai, après ça devait être fini, c'était Megaforce qui a fait un carton en France, moi mon fils aîné adore ça, et ça a relancé le Super Sentai alors que ça devait finir après ça. C'est assez dingo, quand même. Ouais, tout à fait. D'accord, ok. Ah non, moi, je suis vraiment hors sujet. Enfin, je connais pas. Moi, je vous invite, hein, je vois un peu ma pub, hein, mais à avoir parlé de notre numéro qu'on avait fait sur les Sentai. Ouais. En dehors d'Ixor, un peu Bioman et puis Sankukai, je suis un peu ignare. Ouais. Donc, messieurs, quand même, là, je pense qu'on a fait un joli tour. Il y aurait beaucoup de choses à raconter encore, hein, parce qu'il y a plus ou moins des 100 marques qui sont de qualité. Hein. Moi, je pense, enfin, 100 marques, c'est un grand mot, mais je pense, pour rester un peu dans l'univers Robotech, je cherchais un robot, un qui ressemblait à Robotech, c'est-à-dire une très belle navette qui se transforme alors à un méca, mais oufissime, avec un design encore joli aujourd'hui. Et Patrick me l'a trouvé. C'est le fameux Legios que j'avais eu, je m'en souviens, pour mon anniversaire. Et pour la petite anecdote, encore une fois, ma grand-mère me l'offre. Le jour même, je lui pète le bras, quoi. En sérieux? La grand-mère ou... Et je ne sais pas ce qui est devenu ce robot. J'ai me rêve d'en retrouver un. Alors, j'ai mon ami Wonder Panzer que j'adore, que je salue, qui en a plein et qui en a un, mais qui est bleu. Et les bleus, ils sont moins jolis parce que moi, j'avais le rouge et gris. Forcément. Et le rouge et gris, il est tellement plus joli, quoi. Et j'ai regardé les cotes sur Internet. Messieurs, vous savez, on a échangé, ça monte jusqu'à 4 000, 5 000 euros. Enfin, j'exagère n'importe quoi. Presque, quoi. La folie, hein. Et ou alors dans des états déplorables et c'est autour des centaines d'euros et voilà, quoi. Bref, quoi. Donc, chez les auditeurs, si jamais vous en avez un qui traîne, parce que j'en ai vu un sur Internet, mais il y avait marqué qu'il était mâchouillé par le chien. Donc, si votre chien, il l'a épargné, faites-moi signe, hein. Je suis preneur. Alors, messieurs, on a fait un joli tour quand même, hein, parce que on a parlé de GoBots, de Transformers. Il y aurait tellement de choses encore à raconter. Oui, oui. Moi, je pense qu'un jour, Patrick, si tu me fais une émission spéciale bootleg, parce que, j'en ai eu un, moi, un Robotech bootleg tout en plastique que j'affectionnais, mais quand même que j'ai joué avec parce que j'adorais ce type de transformation. Mais les robots transformables, c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui. On va faire un bond en avant parce que dans les années 90, on va dire qu'on va se concentrer sur la gamme Transformers parce que c'est la plus connue du grand public. Rappelez-vous, on a eu les Beast Wars, qui est une gamme de jeux absolument épouvantable où les Transformers se transformaient en singes. Megatron, il se transforme en dinosaure, un truc comme ça. Enfin, j'en ai trouvé. Ils sont très, très, très moches. Mais on a mieux. Le reste est chez Toy Kitch. Moi, j'aime bien. Parce que une fois, j'avais envoyé un message à notre ami Patrick Toy Kitch. J'avais trouvé, je vous jure que c'est vrai les auditeurs, le Transformer, excusez-moi du terme, le Transformer mouche à merde. Et c'est véridique. Véridique, ce Transformer se transformait donc en vieille mouche verte. Et d'après à l'époque de notre ami Toy Kitch, je m'avais dit qu'en plus c'était pas le seul de cette gamme là. Donc je pense qu'on est milieu des années 90. On sent que la gamme se cherche. On sent que les ventes chutent. Début des années 2000, moi, malheureusement, j'ai pas de passif parce que je ne recherchais pas les jouets à cette époque. Si vite fait, les amis, vous avez quelque chose à dire. On a eu un gros trou Transformer hein, pendant pas mal d'années. Alors qu'au Japon, ça a continué. Même aux États-Unis d'ailleurs, aux États-Unis aussi. Voilà, en France, on avait vraiment un gros trou. C'est revenu là il y a seulement quelques années, hein, avec un peu avant les films ou pendant les films. Juste avant les films, je crois. Ouais, ou juste avant les films, la machine s'est un petit peu relancée en France. Alors là, tu me tends une perche. Pourquoi? Parce que les Transformers annoncés au cinéma, je crois qu'on est en 2007 ou 8, je me souviens plus. Chia LeBouf, bon. Bref, admettons, mais c'est pas grave, je m'en fous. Moi, je les ai tous vus au ciné presque. Hein. C'est pas terrible. Hein. Bon, bref. Mais tu dis, il y a peut-être moyen. Il y a peut-être moyen. On a espoir à chaque fois. voilà, qu'il y ait une gamme de jouets. Bon, aparté, j'avais été voir l'avant-dernier avec mon fils, où il y a les Dinobots, parce que les Dinobots. Et le dernier, par contre, les auditeurs, si vous avez un minimum de goût, je n'allais pas le voir. le Last Night, là, c'est juste un. Possible. Bref, respectez-vous. Je suis désolé. Hein. Voilà, vous aimez les robots, vous aimez ITIS le podcast, ne regardez pas cette électron. Non, puis Michael Bay en roue libre sur celui-ci. Ah oui, enfin, il n'y a rien de bien. Bref, quoi. Non. J'aimerais bien qu'on fasse un jour une émission juste pour vomir sur ce film. Et donc, le marketing aidant, on a eu des gammes de jouets qui sont épouvantable. Patrick, parle-nous un peu de ces différentes caractéristiques techniques, si je puis me permettre. Ça n'avait pas si mal commencé, à part les designs qu'on aime ou pas du film, mais ça s'est vraiment détérioré au fur et à mesure. Sur le premier film, c'est correct. Ouais. Ce que je trouve regrettable, c'est qu'au fur et à mesure des films, déjà, ils ont essayé de mettre l'accent sur tout ce que je décrivais en début d'émission à propos des Gobots, c'est sur l'aspect organique des robots. Ouais. Et je trouve que ça marche pas du tout, quoi. Non, c'est pas, les jouets sont pas assez détaillés pour ça, quoi. Donc, et déjà, dans les films, ça me dérange parce que ça pète tellement de partout que t'as pas le temps d'apprécier la moindre transformation que j'adore, moi. J'adore vraiment, voir les trucs transformés, tu vois, les trucs comme ça. Là, ça marche pas déjà dans le film. Et ça reproduit en gamme de jouets qui font complètement plastoc, comme on le dit. Évidemment, j'en parlais. Moi, mon héros favori, c'est Devastator. Et Devastator du film, il est dévastatreux, quoi. C'est dégueulator. Ouais. Alors, pour vous expliquer ça un peu, les amis, Devastator, on l'a tous en tête. Il est assez fin comme robot. Chaque véhicule qui eux-mêmes se transforment en robot font le fameux Devastator. Là, c'est plus le cas. C'est des bêtes véhicules de chantier qui ont zéro transformation et qui font Devastator, mais moche, lourd, il tient pas debout. Mmh. Et pour vous donner une idée, la tête de Devastator, c'est une bétonnière. c'est un camion à béton qui ouvre la gueule et ça fait Devastator. Enfin, le design est épouvantable et il est très très lourd parce qu'il y a beaucoup. Enfin, les pièces sont très lourdes et en fait ils ont tellement mal pensé le truc que il tient pas debout le robot. Et il coûte cher en plus. Hein. Enfin il a rien pour lui. Je pense également à Megatron. En camion, il est pas mal. Il est pas terrible, mais par contre, mon fils m'avait fait acheter la version avion complètement organique, jusqu'à même dans la transformation. Et là, c'est désastreux, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, Winston. Si tu connais cette gamme. On m'a offert, parce que bon, vu que les gens savent que j'aime bien Transformers, on m'a offert des jouets de la première, enfin du premier film. Donc j'ai le Bumblebee du premier film, la Camaro, ouais. Alors ça va. C'est juste qu'enfin en position humaine, il tient pas debout. Voilà. Ah bah voilà. Parce qu'il tient sur des palettes. Ils ont voulu se la jouer un peu comme les palettes pour les personnes handicapées qui font de la course. C'est vraiment c'est limite des ressorts. Et en fait, il tient sur 1 cm² le truc. Et la portance est trop lourde pour ça. Ouais, j'aime bien quand même. Je sais que par exemple mon pote Fonds a le Starscream du premier film aussi, qu'on a trouvé en broc tous les deux il y a pas longtemps, qui est vraiment sympa. Et puis on cherche Barricade du premier film aussi. Ah oui, il est classe, ouais. Mais après, c'est devenu vraiment organique. Et là, sur les derniers films, les jouets, sur Last Night, c'est dégueulasse. Mais vraiment dégueulasse. Hein. Et pourtant, moi, j'ai un seuil de tolérance assez bas. Mais là, c'est pas possible, quoi. Voilà, franchement. Et Patrick, j'aimerais que tu nous dises un peu ce que tu m'as raconté quand on a préparé le podcast. Quid des transformations? Ah bah ils ont tout simplifié. Ouais. J'avais lu une interview d'un professionnel qui disait qu'en fait maintenant pour les jouets ça va jusqu'à 7-8 ans. Après les gamins ils passent aux consoles et aux smartphones. Donc les jouets ils les balancent quoi. Donc pourquoi se faire chier à faire des jouets compliqués, détaillés et prendre la tête parce que ça coûte cher à développer. Eh ben on va faire des trucs simples. Ouais. Voilà, avec du plastique dégueulasse. Voilà, parce que les gamins plastique dégueulasse ou pas. S'en foutent, avec les yeux d'un enfant, ça sera la même. Pour un jouet McDo ou un truc à 1000 balles, il fera pas la différence. Voilà, c'est pour ça que plus ça va, et alors ça touche pas que les Transformers, les Tortues Ninja aussi récemment, la plupart des jouets qu'on a, c'est même les Star Wars, c'est quand même pas très joli. On arrive vraiment à des jouets de plus en plus simples. Alors ça touche principalement la France parce qu'on a un choix hyper limité en jouets. Voilà, dans d'autres pays comme le Japon, il y a quand même plein de variétés de jouets, donc il y a vraiment pour il y a tous les niveaux de finition, truc le plus simple au plus compliqué quoi. Mais chez nous, on a tellement un choix restreint qu'on n'a que les merdes. Moi par exemple, je sais que mon fils aîné Junior 1 a des Transformers de la gamme Robot in Disguise, qui est le dernier dessin animé qui passe en ce moment là, et c'est des transformations 3 étapes. Oh là là, son Bumblebee, quand il envoie voiture, tu prends l'avant et l'arrière, tu tires dessus, tu le tournes la partie arrière, tu fais un 180 degrés avec, et tu reclipses, et ça te fait ton Bumblebee. Voilà. C'est du 3 étapes, c'est marqué sur le site Hasbro. Oui, c'est des âges. Du 3 étapes. Maintenant, il y a des tranches d'âge, à un moment, je sais plus si ça se fait, mais et avec des niveaux de difficulté, entre guillemets. Oui, bon, ça, il y a toujours eu, mais là, il y a moins de difficulté, quoi. Ils ciblent vraiment deux cibles bien distinctes. C'est les enfants, les petits, ils ont pas besoin d'avoir trop de transformations. Et après, ils sortent des genres pour Star Wars, c'est les Black Label, ou en transformant en ce moment, c'est les Combiner War, c'est pour le trentenaire, genre moi je fais de la toy photographie en plus, donc j'adore ça, et là ils te font cracher ton pognon le plus possible, et le c'est pire ça. C'est qu'ils sont cons parce que ça coûte cher, c'est pas forcément de la super cam, en meilleure qualité prix, vaut mieux acheter les versions japonaises, par exemple pour Star Wars c'est ça, faut acheter du Star Wars japonais plutôt que du Star Wars Hasbro, voilà. C'est bon, ça va. Comme les Transformers, c'est pareil. Ouais. Ah, bah moi, je vous cache pas qu'un petit Soundwave réédition vintage G1, ça me fait bien de l'œil. Alors donc, on arrive doucement mais sûrement à la fin de cette émission. Moi, je voudrais rajouter quand même, bon, malheureusement, Transformers, c'est plus ce que c'était, les films, c'est épouvantable. Mais je crois que c'est dispo sur Netflix. J'avais regardé avec mes enfants une version animée en synthèse. Je crois que ça s'appelle Transformer Prime. Ouais, Prime. Qui est très bien. J'ai beaucoup aimé. Ouais. Je suis pas. Et les jouets sont bien. Et ben voilà, c'est ce que j'ai. Il me semble que la gamme de jeux est pas honteuse. Il y a juste Starscream qui est pas joli du tout. Ils l'ont loupé au niveau jouet, mais au niveau personnage qui est fourbe, un peu. Du coup, il est réussi paradoxalement. Mais en jouet, moi j'aime moins quoi. Mais bon voilà, si on doit retenir un truc actuel, c'est cette série. Je sais qu'il y en a d'autres qui existent. Il y a la Animated. Je l'ai jamais vu. C'est étrange. Les jouets sont pas jolis. Enfin, là, c'est vraiment une gamme de jeux pour les tout petits. Ouais, c'est ça. Je crois que t'as 2 étapes de mémoire. Non, il y a. Enfin, tout du moins dans la. Dans celle-là, Animated, il y a vraiment... Non, il y a une belle gamme, hein, mais c'est au design, ah bon, au design du dessin animé, donc qui est particulier, qui fait plus américain que japonais. Ça fait plus cartoon, voilà, un peu pas caricature, mais un peu ça, voilà. Les jouets sont pas mal. Après, il y en a une plus récente, là, justement, là, qui passe actuellement, là. Robot in Disguise. Ouais, c'est pas super, quoi. C'est dommage que ce soit pas super, parce que par contre, ils redéveloppent tous les Transformers. Ils sont même là dans la période combineur, où il y a tous les combineurs qui arrivent sur Terre en ce moment. C'est vraiment pas mal, mais c'est vrai que le design est vachement particulier quand même. Enfin, malheureusement, nous on est un peu à l'affût de tout ça, on connaît un peu tout ça, mais le grand public, malheureusement, si le gamin il veut du Transformer, il va aller à son magasin de jouets local et c'est que de la gamme des films. Ouais. Et globalement, et bah, comme on l'a souligné, c'est moi j'en veux pas. C'est très mal distribué. Enfin, le reste, effectivement, hormis ceux du film, parce que là il y a le film, donc forcément c'est bien distribué. Mais tout ce qui est par rapport au série animé ou même ceux que Winston parlait tout à l'heure, là, les générations et Combiner Wars, c'est très très mal distribué. Hein. Des fois, faut faire 10 magasins pour trouver un modèle, quoi. Et encore, quand t'as du pot, quoi. Et ben c'est bizarre parce que chez moi, on en trouve partout des Combiner Wars. Ils sont tous livrés chez toi. Fais-moi une liste, je vais te les apporter. Fais des photos. Voilà. Ouais, mais elle est jolie cette gamme, elle est assez onéreuse en revanche. Oui. Alors messieurs, donc on arrive à la fin de cette émission. Hein. Encore une fois, mille merci. Merci de m'avoir d'avoir accepté notre invitation pour parler de nos fameux jouets transformables. Merci à toi. Merci à toi, surtout. Dernière petite chose, la petite recommandation. Si nos auditeurs ont envie de se faire plaisir et d'acheter un robot, qu'est-ce que vous conseillez? D'aller chiner sur les sites enchères pour trouver le jouet vintage d'époque, ou peut-être de racheter une réédition, ou alors des gammes actuelles qui font parfaitement le travail, Winston? Ah, bonne question. Moi, j'irais peut-être sur le jouet japonais, le marché japonais qui est pas mal en ce moment. Ça peut se trouver à des gammes de prix pas trop dégueulasses non plus. Donc sur les sites marchands classiques, hein, tu trouves ouais, ça, non? Ouais, sur les connus, tu trouves. Hein. Moi, j'achète par exemple du Kamen Rider sur un site marchand très connu d'origine américaine. Et oula, tu vas faire plaisir à notre copain Spade, hein, Kamen Rider. Ouais. Et juste une recommandation, si vous avez des enfants qui ont plus de 10 ans, moi je leur conseille un jeu vidéo et j'en profite pour faire une dernière fois de la pub pour mon émission. Bien sûr. Il y a quelques années, en 2015, ils ont sorti Transformers Devastation. Ah, je l'ai. Voilà. Il est très très bien. Et il est très très, très bien. Et en plus, il est vintage. Ouais, il est vintage. Ouais. Ça reprend vraiment l'esprit de la G1 et des premiers dessins animés avec les voix américaines d'époque, donc les vrais doubleurs. Et donc c'est l'équipe de Platinum Game qui sont pas des manches pour faire du beat'em all qui ont sorti ce jeu. Et on voit plein de grands ennemis. Il y a Menaçor dedans, il y a Devastator dedans. Il y a Devastator. À la fin, on voit même Superion et Defensor. Enfin, voilà, il y a vraiment tous les gros combineurs qui sont dedans. Il y a tous les ennemis. Il y a Soundwave et compagnie. C'est vraiment un très beau panel à faire avec ces gosses. C'est vraiment sympa. Moi, j'en ai quelques-uns de jeux Transformers, mais globalement, ils sont dispensables, les jeux vidéo. Si vous voulez en entendre parler, on en a parlé dans notre épisode 2 de Backlog pendant plus d'une demi-heure. Voilà. Si vous voulez avoir un avis. Écoutez, on postera l'adresse évidemment sur l'article du billet. Et toi, Patrick, une dernière reco? Non, je rejoins un peu Winston là-dessus. Hein. C'est vrai que voilà, à part chercher les quelques Combiner Wars pas trop mal et à prix correct, après, évidemment, c'est sur la toile qu'il faut chercher, plutôt au Japon. Vaut mieux éviter les copies. Il y a souvent des mauvaises surprises. Alors, c'est pas cher, c'est cool, hein, mais souvent c'est dégueulasse et ça se casse en 2 minutes. Donc, il faut faire attention. Après, c'est pareil, il y a eu aussi des fans qui ont fait des Transformers eux-mêmes. Il y a des toutes petites sociétés qui ont fait des Transformers, donc des redesigns des Dinobots vraiment magnifiques. Ouais. Alors, malheureusement, c'est souvent des éditions limitées, donc c'est pas toujours facile à récupérer. Mais en cherchant un petit peu, on arrive à en trouver quelques-uns. Et franchement, c'est très bien fichu, quoi. C'est même au-dessus de certains modèles commerciaux officiels. Ouais. D'accord. C'est vrai. Okay. Et ben moi, me concernant, comme d'habitude, je vous recommande de chiner en brocante parce que aussi il y a beaucoup à boire, à manger, parce que les enfants se séparent très facilement de leur robot. Il y a de moins en moins de jouets, on va dire, de l'époque G1, génération 1. Oui. Bon, encore moins les combineurs, parce que dans le meilleur des cas, t'as un truc, tu vois, enfin voilà. C'est ça. Mais c'est pas rare de trouver des jouets qui ont une petite dizaine d'années, qui étaient encore plutôt très bien. Ouais. Donc moi, voilà, c'est ce que je me fais un petit plaisir de racheter. Bah, pareillement, hein. Je te rejoins là-dessus. Hein. Mais mon fils, comme je le dis, joue énormément avec, et au jour où il en aura marre, la caisse, elle viendra discrètement dans la chambre d'amis, tu vois. Donc, messieurs, encore une fois, bah, joyeux Noël par avance. Voilà, bonne fête à tous. Bonne fête. Toy Kitch, Patrick, donc, Winston. Merci. Mille merci encore une fois. Merci à toi. C'est merci sincère. Hein, moi, j'aime beaucoup discuter avec vous sur les réseaux sociaux parce qu'on parle vraiment des mêmes trucs qui nous passionnent. Quant à moi, bah, je vous dis à très bientôt sur les ondes d'IT, le podcast. Hein. Je rappelle donc que Toy Kitch, on te retrouve donc sur YouTube en tapant tout simplement Toy Kitch. Tout à fait. Et que toi, Winston, on te retrouve donc sur les internets, sur les flux RSS, sur podcast. Podcast Addict, iTunes, Deezer, partout. Bravo. Ouais. Donc, en tapant Backlog. Backlog, le podcast. Voilà, le podcast. Et donc, je vous propose, pour clôturer ce numéro, de finir sur le générique chanté en français de Transformers. Transformers, le libérateur. Non, ça vous dit rien, Patrick? Je suis mauvais. Ouais. Qui est assez dispensable, mais moi, je l'aime bien. Et puis, de toute manière, ça reste les Transformers forever. Ciao, ciao. Salut. Bye bye. Salut tout le monde.